Le rassemblement de masse de la ville de Pyongyang consacré à la journée de la lutte contre les impérialistes américains du 25 juin s'est tenu dimanche sur la place Kim Il-sung en présence de Kim Ginam et d'autres cadres responsables du parti et de l'État, du président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, des officiels des formations sociales, des ministères et des établissements centraux, ainsi que des cadres des organismes, usines, entreprises, fermes coopératives et grandes écoles, des travailleurs et des jeunes étudiants de la capitale. Y ont figuré aussi les compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste et le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les orateurs ont souligné, entre autres, le 25 juin 1950, les impérialistes américains ont déclenché la guerre d'agression contre notre République et recouru à toutes les méthodes et moyens les plus barbares pour le génocide sans précédent et les destructions sans distinction. Ils ont utilisé en grande échelle même les armes bactériologiques et chimiques prohibées par le droit international, se sont démenés pour exterminer notre nation à l'aide de la bombe atomique. Plus de 60 ans ont passé depuis la fin de la guerre sur ce sol, mais les impérialistes américains, au lieu de tirer une leçon sérieuse de leur défaite dans la guerre de Corée, se démènent frénétiquement jusqu'à présent pour la suppression de notre République, tout en guettant l'occasion d'une nouvelle agression. Pour terminer, les orateurs ont déclaré que si jamais les impérialistes américains et les bellicistes sud-coréens osent provoquer une guerre nucléaire, l'armée et le peuple coréen anéantiront tous les agresseurs par la puissance invincible de l'unité monolithique, de la force militaire et de l'esprit de se renforcer eux-mêmes et réaliseront à coup sûr l'œuvre historique de réunification nationale. Il y a eu ensuite la manifestation de masse. Par ailleurs, le même jour, les rassemblements du genre se sont tenus dans toutes les provinces du pays.